Les nouveautés à la Maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. L'empreinte de Carole Poliquin et Yvan Dubuc en français. Une part de moi-même m'échappe. Quand j'ai débarqué en Amérique, j'étais français. Mais bientôt, je ne vivais ni ne pensais plus comme un français. J'étais devenu canadien. Du mot iroquois, Canada. Ma tribu s'est donné d'autres noms depuis. Canadien français, puis québécois. Mais dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, quelque chose s'est dérobé. Un fil s'est rompu en chemin. Ce n'est peut-être pas un hasard si la question de notre identité ressurgit constamment dans notre histoire. Comme si aucune réponse ne nous avait encore pleinement satisfait. Chorus, de François Delisle, en français. Tu penses que t'es seul. Puis tu penses à un nom. T'es surprise. T'es surpris parce que c'est le premier, parce que c'est le premier qui te vient en tête. Tu penses que c'est un rêve. Un rêve, rien qu'un rêve. Mais quelque chose est différent. Il faut bien faire son deuil après 10 ans. Deuil. J'haïs ça, ce mot-là. Tu m'en veux pour Hugo? Non. Jamais de la vie. Il n'y a pas de place pour moi ici. Il n'y a rien de pire que d'aimer quelqu'un qui partage pas ta peine. Il y a mon expérience, puis il y a la tienne. Chacun à sa façon. Je peux une petite fille, maman. Tu vas rester ma fille toute la vie. J'aurais dû te suivre. J'aurais dû y aller avec toi au Mexique. On aurait pu garder Hugo vivant, mon ami. J'aurais pu t'aimer. T'aurais pu me consoler. Je suis désolé d'insister comme ça. La vie, ça passe vite. Excusez-moi. Je suis Antonin. Antonin Perron. Un ami d'Hugo. Vous vous rappelez de moi? Une nuit pour survivre, de Jean Collet-Serra, en français. Ça devait bien faire 15 ans que j'étais pas venu ici. Tout semble différent. Tous les lieux qu'on a fréquentés sont différents. Je suis la seule personne qui ait jamais tenu à toi. Mais notre amitié a pris fin il y a une heure quand t'as tué mon fils. J'ai appuyé sur la gâchette, c'est vrai, j'ai tué Danny. Mais j'ai pas eu le choix. Il allait tuer Michael. Je suis venu te demander d'épargner la vie de mon fils, Sean. C'est quelqu'un de bien. Il a une famille, il ne mérite pas ce qui lui arrive. Tu sais bien que j'ai pas le choix non plus. Je ferai tout en mon pouvoir pour retrouver ton fils et le tuer. Puis une fois qu'il sera mort, et je te promets qu'il mourra, je te laisserai mourir. Qu'est-ce que tu fous là? Tu le sais aussi bien que moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Sean va t'éliminer, Michael. Et s'il ne peut pas s'en prendre à toi, il va s'en prendre à ta famille. Cette guerre doit se terminer ce soir. Que tout le monde se tienne prêt. Jimmy s'en vient. En ce moment, on est les gars les plus recherchés de cette ville. Je connais la chanson. Ils commenceront par foutre ta vie en l'air. veux les gars devant sa maison. Je veux les gars devant la maison des parents de sa femme. Partout où ils pourraient se réfugier. Les policiers, ils ont leur propre motivation. Toi, ce que tu dois faire, c'est rester en vie. Et je suis ton meilleur atout pour y arriver. Fais confiance à ton père, pour une nuit. Une nuit. La nuit a été longue, hein, Jimmy? Cendrillon, de Kenneth Branagh, en français et en anglais. J'aimerais te dire un secret qui t'aidera à traverser toutes les épreuves de la vie. Aie du courage et sois gentille. Elle deviendra ta belle-mère et tu auras deux adorables sœurs pour te tenir compagnie. Je pars en sachant que tu seras en sécurité. Ne préfères-tu pas manger lorsque tout ton ouvrage sera terminé? Oui, belle maman. Ne m'appelle pas comme ça. Madame serait mieux. Cendre, Ella. Ella Souillon. Ah non, Cendrillon. Oh, un instant, oh! Tout va bien, mademoiselle. Comment vous appelle-t-on? Peu importe comment on m'appelle. Pardonnez-moi. Ce n'est pas de votre faute. Ni de la vôtre, j'en suis sûr. J'espère vous revoir, mademoiselle. J'en serai heureuse. Ma chérie, tu as plus de gentillesse dans ton petit doigt qu'en ont la plupart des gens dans tout leur corps. C'était la robe de ma mère. Ce serait une insulte de t'emmener au palais vêtue de ces vieilles guenilles. Il est hors de question que tu ailles au bal. Excuse-moi, pourquoi pleures-tu? Qui êtes-vous? Voilà, c'est mieux. Ma marraine, la bonne fée. Bon, où sont les souris? Des souliers de verre? Tu verras, ils sont très confortables. Allez, maintenant tu peux aller au bal. Tout le monde vous regarde. Croyez-moi, c'est vous qui le regarde. Lorsqu'il y a de la gentillesse, il y a de la bonté. Et lorsqu'il y a de la bonté, il y a de la magie. Je dois la revoir. C'est ça que tu cherches? Aussi à la maison de cinéma cette semaine, Autrui, de Micheline Lanteau, en français. The Second Best Exotic Marigold Hotel, de John Madden, en anglais avec sous-titre français. Chuppie, de Neil Blomkamp, en français et en anglais. Focus, de John Rica et Glenn Ficarra, en français. Toujours Alice, de Wash Westmoreland et Richard Glater, en français. Astérix, le domaine des dieux, de Alexandre Astier et Louis Clichy, en français. La chanson de l'éléphant, de Charles Binamé, en français. Kingsman, service secret, de Matthew Vaughn, en français. 50 nuances de gris, de Sam Taylor Johnson, en français. Samba, de Eric Toladeno et Olivier Nakache, en français. Tireur d'élite américain, de Clint Eastwood, en français. Le jeu de l'imitation, de Martin Tilden, en français.